Landry ne dit mot, et s'en retourna, du côté de la coupure, décidé à se mettre à l'eau, bien qu'il ne sût encore plonger ni nager. Mais, comme il marchait la tête basse et les yeux fichés en terre, il sentit quelqu'un qui lui tapait l'épaule, et se retournant, il vit la petite fille de la mère Fadet, qu'on appelait dans le pays la petite Fadette. Autant pour ce que c'était son nom de famille, que pour ce qu'on voulait, qu'elle fût un peu sorcière aussi. Vous savez tous que le Fadet, ou le Farfadé, qu'en d'autres endroits on appelle aussi le Follet, est un lutin fort gentil, mais un peu malicieux. On appelle aussi Fade les fées auxquelles, du côté de chez nous, on ne croit plus guère. Mais que cela vous dire un petit peu fée ou la femelle du lutin, chacun en la voyant s'imaginait voir le Follet, tant elle était petite, maigre, ébouriffée et hardie. C'était un enfant très causeur et très moqueur, vif comme un papillon, curieux comme rouge-gorge, et noir comme un grelet, un grillon. Elle n'était pas belle, car ce pauvre petit cri-cri des champs est encore plus laid que celui des cheminées. Pourtant, si vous vous souvenez d'avoir été enfant et d'avoir joué avec lui en le faisant enrager et crier dans votre sabot, vous devez savoir qu'elle a une petite figure qui n'est point sotte et qui donne plus envie de rire que de se fâcher. Aussi, les enfants de la cosse, qui ne sont pas plus bêtes que d'autres et qui, aussi bien que les autres, observent les ressemblances et trouvent les comparaisons, appelait-il la petite Fadette le grelet, quand il voulait la faire enrager, mêmement quelquefois, par manière d'amitié, car, en la craignant un peu pour sa malice, il ne la détestait point, à cause qu'elle leur faisait toutes sortes de contes et leur apprenait toujours des jeux nouveaux qu'elle avait l'esprit d'inventer. Mais tous ces noms et surnoms me feraient oublier celui qu'elle avait reçu au baptême et que vous auriez peut-être plus tard envie de savoir. Elle s'appelait Françoise. C'est pourquoi sa grand-mère, qui n'aimait point à changer les noms, l'appelait toujours Fanchon. Comme il y avait depuis longtemps une pique entre les gens de la Bessonnière et la mère Fadet, les Bessons ne parlaient pas beaucoup à la petite Fadette. Mêmement, ils avaient comme un éloignement pour elle et n'avaient jamais bien volontiers joué avec elle ni avec son petit frère, le Sauterio, qui était encore plus sec et plus malin qu'elle et qui était toujours pendu à son côté. Mais il y avait une telle idée sur le compte de la mère Fadet que certains, et notamment ceux du père Barbeau, s'imaginaient que le grelet et le Sauterio, ou, si vous l'aimez mieux, le grillon et la sauterelle, leur porteraient malheur s'ils faisaient amitié avec eux. Ça n'empêchait point ces deux enfants de leur parler, car ils n'étaient point timides, et la petite Fadette ne manquait d'accoster les Bessons de la Bessonnière par toutes sortes de grôleries et de sornettes, du plus loin qu'elle les voyait venir de son côté.